Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand est fidèle au poste, toujours à 14h en ce début d'année 2017. Bonjour Franck et bonne année à vous. Bonne année à vous, chère Anissa. C'est vous qui êtes fidèle au poste entre nous, hein, parce que je vous ai entendu très tôt tous les matins. Oui, c'est vrai. Pendant cette trêve des confiseurs, vous ne prenez jamais de vacances, non. Anissa. Vous êtes formidable. Alors, je voudrais profiter de la reprise d'antenne pour adresser tous mes vœux à nos auditeurs. Vous qui êtes fidèle à nos rendez-vous au cœur de l'histoire, sachez que toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une année 2017 pleine de joie, de beauté, de découvertes historiques et patrimoniales aussi. Nous allons en faire ensemble, d'ailleurs, vous allez voir, pendant toute cette année. Merci, grand merci de votre fidélité depuis toutes ces années, que vous nous écoutiez en direct à 14h, le soir en rediffusion ou bien sûr en podcast chaque fois que vous le souhaitez. C'est très pratique les podcasts. Ah, ça, c'est génial. On peut emmener l'émission partout où on veut. Moi, certains nous écoutent dans leur bain, en jogging, voilà. Partout. Alors Franck, vous jouez un peu les Pères Noël hein, cette année qui commence avec un très beau cadeau. Et comment nous gagnons à partir d'aujourd'hui, une demi-heure. L'émission commence toujours à 14h, ça vous l'aurez constaté. Elle va durer jusqu'à 15h30, 90 minutes au lieu de 60. Publicité comprise, je vous l'accorde, mais vous allez voir que dans les premières semaines de l'année, il y a toujours moins de publicité que d'habitude. C'est donc plus calme. Il faut qu'on en profite. La première demi-heure va être consacrée à notre plongée au cœur de l'histoire, ça ne change pas. Aujourd'hui, nous allons au XVIIIe siècle, évoquer la destinée de Coderlos de Laclos, le fascinant auteur des Liaisons dangereuses. Et la deuxième demi-heure est celle de notre invité. Et oui, aujourd'hui, Marc Menant, qui va nous porter chance cette année, en sa compagnie énergisante, nous allons revenir sur Laclos, bien entendu, mais aussi sur un certain nombre des grands libertins de l'Ancien Régime et sur le phénomène du libertinage en soi. Vous allez voir que ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Le mouvement libertin a été plus profond, il a été nettement plus important que ce qu'on pourrait penser. Et puis, d'habitude, on s'arrête là. Oui, sauf qu'à partir d'aujourd'hui, Franck, et ça il va falloir vous y habituer, eh ben voilà. Il y a une troisième demi-heure. J'ai cru que vous alliez dire il y a une troisième mi-temps. Non, ça c'est pour après, Franck. Alors, notre troisième demi-heure sera presque une émission à part entière. Nous la consacrerons au patrimoine, aux grands lieux touristiques et culturels. Aujourd'hui, en lien avec Coderlos de Laclos, nous irons nous promener dans l'île d'Aix et du côté de Rochefort. Nous allons en profiter pour faire appel à votre vigilance, à votre générosité. J'aimerais en effet, ça c'est un peu le défi que nous sommes fixés en ce début d'année. J'espère que cette demi-heure va être une demi-heure utile, si vous voulez. J'aimerais bien que ça nous permette semaine après semaine, de venir en aide à des personnes qui, ici et là, se battent pour la défense du patrimoine, pour la restauration de certains lieux, pour la mise en valeur de tous les trésors qui nous environnent. Bref, tous ceux qui ont besoin qu'on se mobilise pour eux n'ont qu'à nous appeler et nous tâcherons de venir en aide à chacun. C'est là que je compte beaucoup sur la solidarité de tout le public d'au cœur de l'histoire. Et il va y en avoir, j'en suis sûre. Si vous avez d'ores et déjà des idées de visite, des bons plan à nous faire partager sur la Charente-Maritime, sur Rochefort-sur-Mer ou l'île d'Aix, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi nous faire profiter de vos photos de voyage ou de vacances. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Retenez bien ces deux adresses sur Twitter avec le hashtag ACDH et la page Facebook au cœur de l'histoire. Je vois que vous avez déjà pris le pli du nouveau format en fait. Oui, j'ai décidé, Franck, d'être encore plus réactive en 2017 qu'en 2016. Eh bien ça promet. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute. Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps, je t'ai trompé. Mais aussi, ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir. Je te quitte sans regret. Je te reviendrai, peut-être. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. Cette prose, tellement singulière, est teintée d'une ironie cruelle. Cette prose est une des marques de fabrique des liaisons dangereuses. Un grand roman, les liaisons dangereuses, que vous avez peut-être étudié à l'école. On étudie toujours ce genre d'œuvres beaucoup trop tôt, à une époque où on n'est pas prêt à les apprécier. Mais enfin, c'est comme ça. Roman épistolaire qui est paru en 1782 dans le contexte d'une société aristocratique en voie de suffocation et qui, souvent, est perçu comme un grand ouvrage libertin. Nous verrons tout à l'heure ce qu'en pense Marc Menant, notre invité. En vérité, il me semble que la réputation libertine des liaisons résulte en partie d'un malentendu à propos de leur auteur, Pierre Coderlos de Laclos. Alors, pour commencer, je vous propose de revenir sur la genèse d'une œuvre presque accidentelle qui porte tout son lot de mystères. Une œuvre qui, pour une bonne part, est née de la frustration de son auteur. Mais oui, en 1778, on est au tout début du règne de Louis XVI, Pierre est officier à Besançon. Précisément, il est capitaine en second de sapeurs. Donc, on est dans l'artillerie. Il a 36 ans, Laclos. Il faut imaginer un homme de petite noblesse, brillant, ambitieux, qui est encore assez séduisant, mais d'une beauté froide, qui tient un petit peu les femmes à distance, si vous voulez. Son regard est d'un bleu impénétrable. On y distingue une sorte, comme une forme de lassitude. Car, disons-le, la vie de Laclos n'a pas encore répondu à toutes ses aspirations. Déjà, 15 ans plus tôt, au tout début de sa carrière, alors que la guerre de 7 ans s'achevait, il aurait voulu aller guerroyer contre les Anglais. Seulement, il n'est pas parti. Et au lieu de ça, il a mené une existence loin du feu des combats. On l'a vu dans toutes sortes de garnisons, un petit peu partout dans le royaume. Et le temps, comme ça, a filé. Cette installation à Besançon, donc, n'a pas vraiment de quoi le réjouir. Seulement, il y a un petit espoir quand même. En 1778, la question des insurgents, on a beaucoup parlé des insurgents, vous savez, ce sont ces indépendantistes américains, cette question des insurgents est en train d'avoir des conséquences en France. Le royaume affiche son soutien à la cause de ces colons britanniques d'Amérique qui sont en train de se soulever contre leur métropole. La guerre est ouverte, elle est bientôt déclarée avec l'Angleterre et Laclos se dit que c'est peut-être enfin cette occasion qu'il attend depuis longtemps. On peut l'imaginer avide d'être envoyé au loin pour de grandes aventures, des aventures guerrières. Son espoir est vite déçu. Encore une fois, son bataillon sera de ceux qui restent. Alors, c'est pour épancher son ardeur inemployée que Laclos se met à écrire. Il faut vous dire qu'il possède un remarquable talent pour l'écriture. Jusque-là, il sait plus pour l'essentiel à jouer les rimeurs. Mais cette fois, les choses sont différentes, il lui en faut davantage. C'est Georges Poisson qui nous l'explique. Des vers légers, voire gaulois, étaient un bien insuffisant exutoire, un bien insuffisant exutoire à la déception tissée jour après jour en 16 ans de vie militaire. L'idée d'une œuvre plus importante en volume, plus percutante en arguments, commençait à poindre, et l'on est tenté de placer à cette date, 1778, après le retour humiliant à Besançon et le départ manqué pour les côtes de l'Atlantique, la décision capitale de Laclos d'écrire un roman nourri de son impassible indignation. Au cours de sa carrière militaire, dans les villes où il a vécu, Laclos a connu toutes sortes d'expériences. Bien des petites élites provinciales ont pu l'inspirer dans leur comportement. Il semble notamment que, lors d'un passage à Grenoble, il ait été rebuté par les agissements d'un certain nombre d'aristocrates qu'il a pu observer de très près. Est-ce que lui-même a essuyé des déconvenues amoureuses? Ce n'est pas certain, mais enfin c'est tout à fait possible. Sans être prude, il semble porter un certain ressentiment à cette noblesse cynique qu'il juge en tout point décadente et dont les privilèges lui semblent injustifiés. Tout ça va nourrir son roman, un roman qui déjà est en train de s'élaborer à l'époque, et il reçoit à ce moment-là une nouvelle mission. Ah, on est loin de Besançon, puisqu'au printemps 1779, Laclos est envoyé sur la côte ouest du royaume. Son rôle, assister le marquis de Montalembert dans la construction d'un fort sur l'île d'Aix. L'île d'Aix, c'est un tout petit bout de terre qui n'est pas très loin de Rochefort-sur-Mer. C'est le début de toute une nouvelle aventure. Et là, cette fois, je pense que c'est une aventure qui pourrait se révéler pleine de surprises. Du concerto pour quatre clavecins de Bach sur Europe 1. C'est aussi un morceau qui fait partie de la bande originale du film Les Liaisons Dangereuses. Nous suivons aujourd'hui avec vous, Franck Ferrand, la vie de Pierre Coderlo de Laclos. À presque 40 ans, il est déçu par sa carrière d'officier. Il se lance donc dans la rédaction d'un roman qui deviendra Les Liaisons Dangereuses. Mais voilà qu'il est envoyé sur la côte atlantique, vous venez de nous le dire, pour assister le marquis de Montalembert dans la construction d'un fort sur l'île d'Aix. J'imagine que c'est une mission importante puisqu'on est en pleine guerre contre les Anglais. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bah, disons clairement que ce n'est pas tout à fait la mission dont Laclos rêvait. Hein. Mais enfin, au moins, il change d'air. Il s'agit de contribuer à protéger cette côte atlantique du royaume, et plus particulièrement Rochefort, hein, arsenal très important. Il faut dire que les Anglais font peur. L'une de leurs tactiques consiste à prendre le contrôle d'un certain nombre d'îles proches des ports stratégiques pour paralyser la circulation maritime des royaumes auxquels ils s'attaquent. Évidemment, le royaume de France, tout particulièrement, avec ses côtes si nombreuses, si immenses et si difficiles à défendre. Il est donc important de fortifier ces petites îles. Montalembert est le maréchal de camp chargé de bâtir sur l'île d'Aix un fort. Il a des idées assez novatrices sur la question. Il refuse certains principes de Vauban. Alors comme en France, vous savez, Vauban avait eu beaucoup de mal à faire valoir ses idées, mais une fois que les idées en question étaient acquises, après il n'y avait plus moyen d'en démordre. Donc tous ceux qui vont s'opposer à Vauban, eh bien évidemment, rencontrent des problèmes. Ce sera le cas de Montalembert. Et sur l'île d'Aix, le fort qu'il a l'intention de bâtir serait un fort léger, en bois, en partie en bois en tout cas, de forme arrondie. Laclos se sent avec Montalembert un certain nombre d'affinités, ils ont en commun le goût de la littérature, ils comprennent qu'ils peuvent être en quelque sorte utiles l'un à l'autre. Montalembert n'a pas un goût immodéré pour les traversées que suscite le suivi de la construction du fort. Hein. Il semble qu'il ait le mal de mer, tout simplement. Or, l'île d'Aix n'est pas très facilement accessible, alors que Laclos, lui, se moque complètement de tout ça. Donc, il va multiplier les séjours sur la petite île et il semble y trouver quelque intérêt. On le voit s'investir dans cette mission sur l'île. Il faut imaginer cette île d'Aix qui, à la mauvaise saison en tout cas, est caressée par des embruns terribles. Sur l'île, il suit pas à pas l'avancée du chantier. Concrètement, on le voit diriger les hommes qui sont chargés de la construction. Il étudie les possibilités du projet de Montalembert. C'est un travail assez difficile à assumer dans des conditions qui ne sont pas toujours très, très riantes. Un certain nombre des ouvriers qui sont là tombent malades. Évidemment, on remue beaucoup de terre malsaine dans ces affaires. On les voit d'ailleurs disparaître au fil des mois. Mais l'ambitieux Laclos se prend au jeu, peut-être même un peu trop. Le voilà qui rédige un mémoire plein de propositions, mémoire que son administration semble avoir superbement ignoré. Après tout, qui est-il, cette espèce de ce modeste Laclos, pour donner ainsi son avis ? Encore une fois, le mépris dont il est l'objet va nourrir l'amertume de celui qui est de plus en plus un auteur. Et ça va favoriser en lui une sorte d'esprit diffus de révolte ou d'opposition en tout cas. Il doit aussi composer, il faut vous le dire, avec un certain nombre de désaccords sur le chantier où les directives de Montalembert sont contrées par la résistance d'un certain nombre de ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Les choses vont assez loin pour que Montalembert ressente le besoin de partir pour Paris, se justifier. Et pendant ce temps-là, Laclos, qui reste fidèle à son chef et qui cherche peut-être la reconnaissance de son chef et des administrations. Bref, Laclos décide de suivre Montalembert à Paris. Il rédige même un nouveau mémoire pour soutenir son chef, mémoire qui sera à peine considéré, même si les travaux du fort n'en continuent pas moins. Ainsi, on peut imaginer Laclos déçu au moment où il retourne dans l'Ouest. À Rochefort et surtout sur l'île d'Aix, il est probable qu'il combatte sa frustration et son ennui en poursuivant son fameux roman. C'est assez amusant cette histoire. À chaque fois que Laclos est déçu, eh bien, il ajoute quelques lettres à son roman. Je cite à nouveau Georges Poisson. Les échappées sur le continent étaient brèves et au bout de quelques heures, il devait regagner son île où il contemplait l'océan sur lequel il avait rêvé de se laisser emporter et dont il ne voyait que le ressac. Aucune compagnie de son rang, aucun de ces salons mondains que Laclos avait su se faire ouvrir dans toutes ses garnisons, une île de 3 kilomètres de long dont on faisait le tour en 1 heure. Alors l'officier, dans sa chambre spartiate, reprenait son manuscrit, polissait son style, le rendant aussi impeccable que les armes dont il passait l'inspection. Le temps s'écoule. Le fort va passer un test de solidité. Pour Laclos, on peut dire que l'essentiel est fait maintenant et qu'il est temps de passer à autre chose. Et dès lors, tout va très vite. À la fin de 1781, Laclos obtient à la fois son congé et le droit de publier le roman. Il se rend donc à nouveau dans la capitale, il achève le manuscrit définitif de son œuvre et le 16 mars 1782, il trouve un terrain d'entente avec un libraire, ce qui fait qu'on va voir, quelques semaines plus tard, paraître Les Liaisons dangereuses, 2000 exemplaires, ce qui nous paraît très très modeste nous aujourd'hui, mais dites-vous qu'à l'époque, 2000 exemplaires, c'était pas mal, oui. Ce roman épistolaire raconte les intrigues raffinées de ces deux héros débauchés et manipulateurs, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, et c'est immédiatement un grand grand succès, au point qu'il faille très vite rééditer l'ouvrage. L'attrait du roman, disons-le, tient pour une bonne part à sa sensualité, à son sujet scandaleux. Bien sûr, il y a des tartuffes qui s'offusquent, des âmes immaculées qui ont peur de se tacher à cette lecture. Mais on est néanmoins conscient de l'intérêt d'un roman à multiples rebondissements, et puis surtout, au-delà de l'intrigue et au-delà de la perversité d'un certain nombre d'attitudes qui sont décrites, il y a ce style éblouissant, magnifique, d'une pureté presque incomparable au XVIIIe siècle. Ainsi, pour Laclos, qu'on dit admirateur de Rousseau, et qui avait conçu son roman comme la critique d'une élite corrompue, la réussite n'est peut-être pas ce qu'il avait voulu. Il voulait dénoncer une société, finalement le triomphe qu'on fait à son roman aurait plutôt tendance à la rendre plus solide encore. Carrefour. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'histoire de Pierre Coderlo de Laclos, qui est l'auteur d'un des romans les plus célèbres du XVIIIe siècle, Les Liaisons dangereuses. Il voulait dénoncer ce libertinage et finalement, ce livre est un énorme succès. Et oui, et peut-être que le succès est lié effectivement à l'odeur de soufre que dégage l'ouvrage. Il est accompagné de critiques qui vont se répéter et s'amplifier au fil des années. Laclos aurait voulu tirer un enseignement général à partir d'agissements finalement peu répandus. Et puis, il se serait fait lui-même le relais complaisant du libertinage. Et c'est vrai que sa position est d'une très grande ambiguïté. C'est très intéressant parce que tout en dénonçant l'attitude extrêmement perverse de Merteuil et Valmont, en même temps, il l'expose longuement et dans le détail, cette attitude. Le livre ne va pas moins s'en arracher. En 1783, on compte déjà plus d'une vingtaine d'éditions clandestines, parce que c'est comme ça à l'époque, vous savez, il n'y a pas de protection des droits, etc. Donc n'importe qui pouvait rééditer ce qu'il voulait. On dit que même la reine Marie-Antoinette aurait lu Les Liaisons dangereuses en cachette, bien entendu, mais pour qu'on le sache, ça veut dire que c'était peut-être pas si caché que cela. Laclos, touché qu'on confonde son roman avec de la littérature leste, va penser, semble-t-il, à lui donner un équivalent moral et peut-être même édifiant. Il voudrait écrire un roman de vertu qui serait non moins épistolaire, ce serait intéressant. Bah oui, mais sauf que ça, ça ne verra jamais le jour. La page du triomphe littéraire, si j'ose dire, se tourne rapidement dans la vie de Laclos, même s'il garde toujours une plume à portée de la main, et bientôt, l'armée, qui semble jusqu'alors avoir peu goûté son travail de romancier, lui confie une nouvelle mission à La Rochelle. Il y tombe amoureux d'une jeune fille, Marie Soulange Dupéré, qui est âgée d'une vingtaine d'années. Il finit par l'épouser après avoir eu un enfant naturel avec elle et il s'installe dans une vie familiale bien réglée. Seulement, pour autant, il n'en a pas abandonné ses ambitions. Il est toujours avide d'avancement. Il veut une forme de reconnaissance. Il écrit un nouveau texte, encore une réflexion à charge contre Vauban, qui décidément est un peu sa tête de turc, et ça va être un échec. Cette fois, il est même puni par sa hiérarchie. Le voilà voué à se tenir tranquille dans une garnison en Lorraine. Décidément, les rigidités de la société le briment, du moins jusqu'à ce que la révolution se déclenche. Parce que vous imaginez, pour un esprit comme le sien, l'extraordinaire terrain de jeu qui s'ouvre d'une certaine manière. À nouveau, on va entendre parler de Laclos, qui devient une des plumes du prince Philippe d'Orléans, vous savez, le futur Philippe Égalité. Le voilà donc entraîné dans les eaux agitées d'une époque de renversement, de changement permanent et d'espoir, bien entendu. Laclos veut compter dans le domaine politique. Il le fait d'abord avec une certaine réussite. On va le voir se rapprocher des Jacobins. Il lance même un journal. C'est Jean-Paul Brighelli qui le note. Il nous dit ça ne dure pas. En 1791, quand après la fuite du roi jusqu'à Varennes, le club se scinde entre feuillants, c'est-à-dire les modérés et républicains qui sont robespierristes, Laclos se retire du devant de la scène. Danton, un an plus tard environ, va le rappeler. Laclos, qui est officier de mérite, contribue à organiser la résistance face à la menace d'invasion étrangère. C'est vrai que la guerre est maintenant imminente. Il touche de très près son rêve militaire. Il est même nommé maréchal de camp, ce qui équivaut pour nous au grade de général de brigade. Mais la roue tourne vite. En un rien de temps, il va passer de proche du pouvoir à personnalité indésirable. Il est même arrêté à plusieurs reprises et à la fin de la terreur, après la terreur, il est écarté du jeu politique. Il se rabat à ce moment-là sur un emploi de fonctionnaire. On le voit rêver à nouveau de littérature et semble-t-il attendre toujours son heure en tant qu'officier. Vous voyez l'ambivalence et l'ambiguïté de cette vie et de ce destin. De manière étonnante, à la cinquantaine bien sonnée, on a l'impression que l'heure est enfin venue pour Monsieur de Laclos. Georges Poisson raconte « Quelques jours après le 19 Brumaire, Laclos sollicitait une réintégration à laquelle il n'avait aucun droit, demandant même à exercer dans l'artillerie ce grade de général qui ne lui avait été attribué que dans la ligne. Les bureaux refusèrent sans hésiter, mais Bonaparte, par un passe-droit indiscutable, le nomma général de brigade d'artillerie. Payait-il ainsi des services rendus? Nul ne le sait. » On peut imaginer enfin le bonheur de Laclos. Le voici donc qui part combattre en Europe et cette fois sur le terrain. Disons-le, il va rien accomplir de très grandiose, mais enfin, il obtient ce qui lui avait été refusé pendant tout le reste de son existence. Il connut l'enthousiasme et la peur, nous dit Georges Poisson, l'élan et le doute, le bruit du combat coupé d'inquiétants silences et par-dessus tout, la fierté de pousser enfin de toute sa poitrine le commandement lancé seulement durant 30 ans à l'exercice. Feu ! En 1803, Coderlos de Laclos repart combattre en Italie. Alors maintenant, il a bientôt 62 ans. Peut-être que cette campagne d'Italie, cette deuxième campagne d'Italie est la campagne de trop. En tout cas, il va tomber malade et même gravement malade. C'est la dysenterie qui, en une cinquantaine de jours, va lui ôter toutes ses forces et il va en mourir. Il meurt le 5 septembre de cette année 1803 à Tarente, au sud de l'Italie. Il est certainement à l'époque un officier satisfait. Est-ce qu'il est pour autant un auteur compris? Je n'en suis pas sûr du tout. Peu après sa mort, un de ses proches va souligner cette drôle de situation. « L'estime qu'on ne pouvait refuser au talent de l'écrivain, dit-il, ont voulu l'ôter à sa personne, et l'indignation que l'on devait au vice découvert fut la récompense de celui qui l'osait démasquer, comme c'est bien dit. C'est cette impression qu'il importe aujourd'hui d'effacer dans le public. Elle a été, pour Monsieur de Laclos, une source d'injustice et de persécution qui ont rempli sa vie d'amertume. La voix de Mylène Farmer sur Europe 1 avec ce morceau Beyond My Control, et on vous conseille de bien réécouter les paroles puisqu'elles font directement référence au film et au livre Liaisons dangereuses dont on vous parle aujourd'hui, puisque vous nous racontez l'histoire de Coderlo de Laclos qui est l'auteur des Liaisons dangereuses, et vous avez invité pour cette première émission de l'année Franck Marc Menant. Oui, vous avouerez que pour parler de libertin, inviter Marc Menant, c'est assez surprenant. Somme toute, bonjour Marc. Bonjour Franck. Excellente année à tous. Mais oui, merci. Bonne année Marc. Merci voilà. De commencer l'année avec nous pour cette nouvelle émission, nouveau format. Alors, nous allons parler bien sûr dans un instant ensemble de Coderlo de Laclos, mais nous allons élargir un peu le sujet et en profiter pour évoquer non seulement les libertins du XVIIIe siècle, et du XVIIe d'ailleurs, mais le libertinage, qui est un mode de pensée à part entière. C'est ce que vous allez nous dévoiler, Marc. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'un des plus célèbres livres du XVIIIe siècle, Les Liaisons dangereuses, écrit par Pierre Coderlo de Laclos, dont vous venez nous raconter l'histoire, Franck. Vous recevez aujourd'hui Marc Menant, il est écrivain et journaliste, et il est aussi auteur de Mes divines débauches, paru aux éditions du Rocher. Oui, ça, c'était tout indiqué, somme toute. Mes divines débauches, rappelez-nous d'ailleurs, Marc, en un mot, cet ouvrage, il y a maintenant quoi, une douzaine d'années, hein, peut-être. J'étais encore européen, c'est ça, ouais. 2007, oui, ouais. Tout à fait. Bah, c'est une ode à la liberté, c'est une ode au plaisir, c'est une ode à la prospérité de l'être humain. Car il faut à la fois avoir cette audace d'oublier tous ces carcans qui nous enferment, qui font que notre pensée a du mal à s'exprimer, elle est là sous l'étouffoir, et que dire des sens, bien évidemment. Et voilà. Ils sont dans la punition permanente. Et donc, si l'on commence à travailler, si l'on a cette effervescence qui vous gagne, on sent que l'esprit entre dans l'incandescence et les sens ne font que suivre. C'est donc la grande sarabande, et c'est ce que j'ai la chance de vivre depuis très longtemps. Je me suis affranchi de tout ce qui sont ces règles morales, et c'est pour ça que je ne peux en aucun cas adhérer à cet enchantement, à cette présentation. D'ailleurs, vous l'avez fait avec une certaine réserve, et je vous en remercie, mais les liaisons dangereuses ne sont surtout pas cette apologie du plaisir. Ah non, c'est pas une apologie du tout. Voilà. Hein. Non, c'est même une condamnation, voilà, en fait. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est justement, oh là là, formidable, les liaisons dangereuses. Or, le côté tapageur du titre, racoleur, n'a rien à voir avec le contenu. Non, mais alors, hein. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le contenu, c'est quand même la description de comportements, sont des paris et des défis que se lancent mutuellement la mère Teuil et le vicomte de Valmont, et ils vont très loin dans la destruction des vies d'autrui. Oui, quand même, mais c'est une perversion, ça. Mmh. Voilà, c'est pas exactement, ça le libertinage. Non, mais bien sûr. Moi, pourquoi j'ai voulu écrire Mes divines débauches, c'est parce que je voulais montrer qu'au contraire, c'était un enchantement. C'était s'offrir le plaisir, mais surtout l'offrir aux autres. C'est la conjugaison, c'est la grande communion, c'est faire en sorte d'être un semeur de bonheur. Et ça, c'est important parce qu'on essaie toujours de dégrader la sensation du plaisir. C'est intéressant parce que là, effectivement, les liaisons dangereuses, c'est exactement le contraire de ça. C'est-à-dire que ce sont deux débauchés qui ont une très très très longue carrière l'un et l'autre, l'une avec ses amants, l'autre avec ses maîtresses, et qui vont chercher ce qu'ils peuvent faire et s'inventer mutuellement pour s'auto-séduire. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans tout le détail, mais ils vont chercher ce qu'ils peuvent faire de plus vilain, si voilà, je puis dire. C'est la souillure de l'âme, voilà, c'est ça. Et la dégradation du corps. C'est ça. Or, le libertinage, c'est exactement le contraire. Il ne faut pas oublier d'abord, au départ, on est quoi quand on est libertin ? On est celui qui veut sortir de cette mainmise de l'Église sur l'être humain. Oui, il faut remettre ça dans le contexte, d'une société qui est entièrement religieuse, hein, bien sûr. Et dès le XIIe siècle, bien avant que le terme libertin fleurisse ici et là, certains, sous le manteau, font courir un texte dont on n'a retrouvé qu'une édition bien tardive dans les années 1720, mais dont le titre en lui-même montre ce qu'est être libertin. C'est le De Tribus Impostoribus. Le De Tribus Impostoribus, traduit en français, ce sont les trois imposteurs. Qui sont les trois imposteurs ? Eh bien, Moïse, Mahomet et Jésus. C'est-à-dire des gens qui disent « Nous avons une parole révélée, le Seigneur s'est adressé à nous, et maintenant il va vous falloir fléchir, il va vous falloir ramper, il va vous falloir être dans la morale la plus stricte pour avoir l'espoir d'un monde d'ailleurs. Le libertin dit c'est le monde d'aujourd'hui qu'il nous faut. Et il nous le faut dans cette incandescence, dans cette lumière de l'individu. Est-ce que le libertin, de ce point de vue, ne renoue pas avec une forme de paganisme ? Et est-ce que, tout simplement, le libertinage n'est pas le fruit de la redécouverte des auteurs de l'Antiquité ? C'est d'abord la condamnation du déisme. Enfin, pas du déisme, du monothéisme. Oui. Et c'est là où on admet éventuellement d'être déiste, tel Voltaire, qu'il y a un créateur, c'est une chose, mais ce créateur nous a accordé la liberté. Et d'ailleurs, à quoi bon être créateur ? C'est si pour faire des robots, de condamner des êtres à ramper devant vous, à être dans une sorte de mortification permanente. Alors, ce que je vous propose, Marc, dans un instant va venir justement un certain nombre de grands libertins, Vanini, à Larétin d'abord, peut-être, etc. Mais pour clore sur notre chapitre des liaisons dangereuses, est-ce que ce livre n'est pas en même temps le reflet d'une société, celle de la fin du règne de Louis XV ? Parce que le livre est écrit et publié sous Louis XVI, mais il décrit une situation qui est d'abord et avant tout celle de la fin du règne de Louis XV, où la haute société aristocratique s'amuse dans une espèce de débauche de plus en plus effrénée, avec la jouissance dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi avec le côté parfois très délétère que ça peut avoir. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être délétère. Il n'en reste pas moins que si il y a ce succès, à mon sens, des liaisons dangereuses, c'est parce qu'une partie de cette aristocratie, ce sont les dévots. Ce sont ceux qui sont contre cette idée même d'une émancipation de l'être humain au principe de la morale. Parce que sinon, ceux qui véritablement sont déjà dans cette audace de l'accaparement de soi, eh bien que lisent-ils ? Ils vont lire par exemple Thérèse, philosophe. Et quelle plume magique ! Ils vont lire quoi ? Il faut expliquer l'école ce des filles. Thérèse, philosophe, on dira. Thérèse, philosophe, c'est formidable parce que c'est attribué. Alors là, toujours, parce que là, il y a une chose. Ce sont aussi des ouvrages anonymes. Hein. Alors là, on dit c'est le marquis d'Argens. Bon, on veut bien, mais rien ne le prouve. Certains disent qu'en réalité, c'est une recomposition de texte, que la patte de Vanini peut s'y trouver. Il y a également, de la même manière, un autre livre. Pourquoi je les cite ces deux-là ? C'est parce que tout à l'heure, vous avez souligner que les liaisons dangereuses, au-delà du contenu, avaient une sorte de musiquette, qu'il y avait une grâce de la langue. Oui, ça c'est remarquable. Mais c'est rien à côté. Ah oui ? Ah ben oui, non mais c'est extraordinaire. C'est comme les textes de Mirabeau. Lisez Mirabeau, c'est formidable, les textes érotiques de Mirabeau, qui ont été réédités entre autres grâce à Apollinaire. Mais là, Thérèse philosophe, l'école des filles, vous avez une sorte de pétillance. Il y a le fouet qui cingle, mais ce n'est pas Le fouet du marquis de Sade. Voilà, pas du tout. Non. C'est celui qui fait que l'homme, enfin, bien, se laisse non seulement emporter par ce plaisir, mais celui-ci doit obligatoirement se faire sous l'auspice de l'expression, sous le désir de la poésie, et donc l'importance des mots. Ce qu'il faut dire, c'est que à cette époque, à partir de 1750, tout spécialement, j'avais étudié ça il y a maintenant longtemps, il y a 20 ans, c'était un de mes sujets d'étude sur le 18e siècle. Oui, n'est-ce pas ? Faut toujours se méfier des apparences, c'est pas à vous que je devrais dire ça. Et j'avais vu à quel point la littérature pornographique était très développée dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. On a beaucoup d'écrits licencieux, pour le moins, pornographiques également, avec souvent une dimension politique dans ces écrits pornographiques qui mettent en scène un certain nombre de grands personnages, à commencer par la reine elle-même, bien entendu, que l'on met à toutes les sauces, si j'ose dire. Et ces écrits, bien entendu, le plus célèbre des auteurs, c'est Rétif de la Bretonne, ces écrits vont teinter littéralement la culture de cette fin de XVIIIe siècle. Il y a donc bien quelque chose en l'air à cela qui préside. Mais je pense, j'ai l'audace d'affirmer qu'il n'y aurait pas eu de révolution sans ce mouvement libertin. Sans cette conquête de l'esprit, c'était impossible. Il fallait se mettre en rupture. Et ça se payait très très très cher. Alors, on peut reprendre, je ne sais pas si c'est un peu prématuré, mais les citer les uns derrière les autres, les égrener en mettant quelques éléments pour entrer en connivence. Oui. Là, je voulais juste qu'on finisse sur ce 18e siècle licencieux. Oui. Il faut dire aussi qu'une partie de la haute aristocratie et de la finance, hein, d'ailleurs, disons-le, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les fermiers généraux, des gens qui accumulent des fortunes comme on en a quasiment quasiment jamais connue dans l'histoire jusqu'alors, ont beaucoup de temps libre, hein, une oisiveté extraordinaire. Il faut bien s'occuper, si je puis dire. Ils jouissent d'une forme d'impunité et ils ont des moyens qui leur permettent d'organiser des réjouissances et des fêtes extraordinaires. C'est l'époque où l'on fabrique des folies, par exemple, c'est-à-dire des petites maisons dont le seul but est d'organiser le plaisir. Voilà. Et ce sont les, on les évoquera tout à l'heure, les petits soupers du régent. C'est ça. Mais c'est également, ça nous vient d'où ? Parce qu'il y a une autre racine. C'est l'Italie et c'est la sérénissime Venise. C'est de là que sont nées cette propension à cette capacité de l'homme à s'ouvrir aux plaisirs les plus fous, mais dans un désir de raffinement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être dans l'animalité, il est question de faire en sorte que l'on puisse entrer dans ce qu'il y a de plus extraordinaire qui soit, cet épanouissement de l'être, corps, âme, esprit. Vous parlez de Venise, ça fait tout de suite songer à deux personnages, Casanova bien sûr et Bernice, hein, qui sont bien quand évidemment même deux maîtres S libertinage. Et alors, on s'aperçoit que ceux qui sont les premiers à laisser une trace par rapport à, je dirais, leur martyr lié à l'audace de leur plume, l'Aretin, Vanini, et puis tout à l'heure on parlera aussi de Théophile Levio, à part Théophile, les deux premiers sont passés par Venise. Et c'est à Venise qu'ils ont eu cette graine qui est venue se nicher en eux, et une sorte de révélation, cette capacité à dire, mais oui bon sang, la vie elle peut être merveilleuse, la vie, et comme vous le disiez, ils ont les moyens, c'est-à-dire que on n'est pas dans la petite étreinte de l'auberge. On est dans ce festoiement, on est dans cet instant privilégié. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se convoque tous les jours, on y met toute une mobilisation. Il faut avoir l'idée de la fête. Et alors à Venise, en plus, il y a les grands bals masqués. On est là dans la surprise permanente. C'est la créativité. On est dans l'art érotique. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on devrait remettre en scène. C'est ce que l'on devrait susurrer ici et là, voire clamer. Rappeler aux uns et aux autres que quand on parle d'une boîte à partout, c'est vulgaire. Mais en revanche, si justement il y a cette orchestration qui passe par ce désir de la splendeur, on est dans l'art premier. Oui, il y a quand même bien un effet d'entraînement, il y a une mode d'une certaine manière. Regardez les recueils de gravures de cette même période, dans les années 1780, qui sont des gravures érotiques, qui sont une sorte de Kama Sutra moderne, si je puis dire, avec une pointe de grivoiserie supplémentaire. Oui, mais alors là, l'Aretin, on peut oui, hein, si voilà. On l'Aretin, on est carrément... Il faut le situer, l'Aretin. Ah, oui, bah, l'Aretin, on est en 1570, 1580, et il va avoir un de ses complices, qui est Romano, qui lui va prendre son crayon et être dans l'esquisse, avoir ses corps qui s'échangent, ses corps qui sont dans le crépitement des sens, et lui, le texte. Et là encore, que ces ternes, même si je ne dirais pas que Laclos n'est pas un bel auteur, mais immense. Dirais qu'il y a un classicisme. Très grand classique, oui. Voilà. C'est peut-être l'un des plus beaux classiques du XVIIIe. Mais si vous lisez l'Aretin, c'est incroyable parce qu'ils se mettent en rupture de tout. C'est-à-dire qu'il y a le mot de la roture qui est là. Il va le chercher, mais il lui donne la dignité en le faisant en placer en côtoiement avec des mots au contraire qui sont les mots les plus raffinés qui soient. Ce qui fait que ça donne une tonalité, ça réveille, ça donne une phrase qui cingle et avec des situations où là, on ne cherche pas à nuire à l'autre, on ne cherche pas à le dégrader, telles les liaisons dangereuses, mais au contraire, on montre comment la femme devient déesse. La femme, on ne se l'accapare pas, on la traite en égale de l'homme. Nous sommes déjà avec vous, Marc, revenus aux origines de ce qu'on appelle le mouvement libertin. Nous allons prendre le temps maintenant de suivre un certain nombre de grands libertins dans leur carrière qui souvent a été, ne l'oublions pas, une carrière de souffrance. We'll be right back. de la bande originale du film Les Liaisons Dangereuses, sorti en 1988, réalisé par Stephen Frears, un film à revoir avec John Malkovich et Glenn Close. Ce n'est pas ce film-là qu'on entend, c'est Les Liaisons Dangereuses de Roger Vadim. Ah, de Roger Vadim, la version Roger Vadim. Alors vous pouvez revoir les deux. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne aujourd'hui, puisque Franck Ferrand, vous nous racontez aujourd'hui l'histoire du libertinage et des libertins. Nous étions au XVIIIe siècle d'ailleurs avec Coderlo de Laclos, qui est l'auteur des Liaisons Dangereuses, et vous recevez Marc Menant, l'écrivain et journaliste. C'est intéressant de voir la postérité de ces liaisons jusqu'à Roger Vadim et même encore au-delà. Et c'est vrai que sont sortis en même temps, à la fin des années 1980, les deux grands films. Le chef-d'œuvre de Stephen Frears et le film de Miloš Forman, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, les deux films ont montré l'actualité encore de ce texte. Même s'il ne vous plaît pas ce texte, Marc, avouez qu'il fait partie de notre culture quotidienne quasiment. Oui, mais c'est une sorte. C'est un fanal. Mm-hmm. Mais je dirais que c'est une imposture entre guillemets. La meilleure preuve, c'est qu'on le retrouve sur les bancs des écoliers. Il est enseigné à l'école et vous ne verrez jamais Thérèse philosophe. Heureusement. Donc ça montre bien. Mais non, c'est-à-dire que ça sert la morale. Et c'est le grand drame. Les libertins se sont battus d'abord pour avoir cette capacité à échapper à la férule de Dieu. Et ça, ça va durer deux siècles et demi. Est-ce que de ce point de vue, une pièce comme Don Juan, bourrée de références à saint François de Sales, etc., c'est cette pièce où l'on voit un héros qui va défier Dieu d'une certaine manière, est l'expression du mouvement libertin ? D'une certaine manière, oui. Mais d'ailleurs, on prête à Molière d'avoir côtoyé un grand nombre de libertins. Et il est évident que ce personnage que vous mettez en scène à côté de Corneille dans votre one-man show, ce personnage, même si parfois il a eu quelques arrangements de plumes grâce au grand Corneille, il n'en reste pas moins que sa liberté d'esprit se trouve dans le contenu, dans le fond de ses textes. Et c'est là où il a véritablement beaucoup plus, je dirais, de faits aiguillonneurs contre la morale établie que Les Liaisons Dangereuses, qui de façon perverse viennent réhabiliter cette morale, rappeler aux uns et aux autres qu'il faut cesser d'entrer en dissidence des sens. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'Arétin. Oui, l'Arétin. Qui est à l'origine, en quelque sorte, de tout ce mouvement, et dont les textes seront constamment, non seulement repris, mais illustrés jusqu'à une époque très récente, jusqu'au début du XXe siècle. Tout à fait. Apollinaire, les faits réapparaître. Et je vous dis, c'est vraiment d'une qualité littéraire exceptionnelle. Il y a un crépitement de plumes formidable. Et alors, la carrière de ce personnage, il est le fils d'une gourgandine, pour faire bien, on dirait d'une courtisane. Mais il n'en reste pas moins que cet enfant rejeté par son père, peut-être parce que celui-ci n'admet pas trop de voir sa femme avoir certaines conduites, il n'en reste pas moins qu'il va côtoyer sa maman. Puis très rapidement, dès ses 10-12 ans, il va s'émanciper, prendre le chemin de l'errance. On va le retrouver dans les grandes villes. Il fera un détour par Venise. Mais il va aussi, au départ, il a fait des études de droit. Et puis on ne sait pas, comme s'il était visité par je ne sais trop quelle révélation, il devient moine capucin. Il est donc dans les ordres. Et lorsqu'il arrive à Venise, il a là des révélations. Pour autant, il va devenir un valet du pape. Vous imaginez, valet du pape. Et dans un premier temps, ses textes... Il y en avait beaucoup de valets du pape. Oui, c'était une fonction, un office. Mais oui. Voilà, il n'en reste pas moins. Il est au contact de la soutane, si je puis dire. Et il est chargé d'attaquer les ennemis du pape avec une plume venimeuse, mais qui est au-delà du venin, qui a justement cette capacité au sarcasme et à un enchantement et à traiter en dérision les personnages qu'il met en scène. Et puis un jour, qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Est-ce qu'il est taraudé par tout ce qu'il a vu à Venise ? Mais toujours est-il qu'il a cette nécessité de s'exprimer en toute liberté. Et il fait des textes licencieux. Et quand on découvre que c'est le valet du pape qui a écrit ça, bien évidemment, il faut prendre la fuite. Et là, il va aller et venir. On ne peut pas te raconter toute l'histoire de l'Arétin. Toujours est-il qu'il devient vraiment le poète de la licence. Il s'installe à Venise. Et ce qui est formidable, parce que là, on est véritablement dans cette amplitude. Il considère les femmes comme étant l'égale de l'homme. Et il va avoir autour de lui 6 femmes. C'est-à-dire que c'est pas un harem, car c'est pas aujourd'hui c'est toi qui viens et c'est toi que je choisis. Non, non. Ces femmes sont en complicité. Il faut dire que Venise est la cité reine des courtisanes. Voilà, complètement. Hein, mais là, ce qui est formidable, c'est que dans son palais, elles sont avec lui. Et en plus, il y a d'autres maîtresses. Et on est dans des soirées qui, chaque jour, sont différentes avec cette créativité des mœurs. Alors, puisqu'on parle de Venise, disons un mot de ce Vanini, qui est déjà revenu plusieurs fois dans notre conversation. Expliquez-nous qui il est. On est un tout petit peu plus tard, là, au tournant, oh oui, au tournant du 17e. C'est 40 ans plus tard. Et alors, Vanini, même chose, un parcours invraisemblable. Et ses textes, lorsqu'ils sont repérés, le condamnent à la fuite. Il va en Angleterre, croyant qu'il pourra ainsi s'installer, être à l'abri de tout. Malheureusement, sa réputation l'a choisi. Il décampe au bon moment. Il tente à ce moment-là de se réhabiliter auprès du pape, puisque lui aussi avait fait œuvre de vœux et porté soutane. Toujours est-il que le pape, on lui fait croire qu'il sera prêt à l'accueillir, et il s'aperçoit que la personne qui servait d'intermédiaire est arrêtée par l'inquisiteur et que par conséquent, vaut mieux éviter de retourner par Rome. Mmh. Et à ce moment-là, il va à Paris. Et à Paris, il va entrer dans l'entourage de Marie de Médicis. Ça, c'est le côté italien. Mmh. On est entre frères. Et il y a Concini qui est là. Évidemment. Et Concini, on ne peut pas dire que ce soit le prince. Voilà. C'est pas le prince de la morale non plus. Et avec ces gens-là, il se sent bien. Et il y a tout un entourage, dont Bassompierre. Bassompierre, grand libertin s'il en est. Et qui se dit, mais cet homme-là, voilà le curé qu'il me faut fréquenter. Il le prend comme aumônier à ses côtés, dans son régiment. Mais là, le bougre laisse paraître un texte des arcanes admirables de la nature. Oh là là, c'est épouvantable. Ça sent le soufre déjà, ça. Oh ben, c'est plus que le soufre. Et le voilà. Ça sent donc le fagot. Voilà. Bassompierre lui dit, il est temps de partir, mon ami. Allez donc à Toulouse. Voici l'adresse d'un homme qui vous protégera. Mais à Toulouse, rapidement, on le découvre, bien qu'il ait pris un pseudonyme, qu'il soit considéré ou se fait considérer comme médecin. Et là, il est arrêté. Et Toulouse est une cité où il n'est pas question d'avoir la moindre tolérance. C'est au contraire le lieu de la morale la plus stricte. Il est arrêté et là on lui demande d'avouer et il ne veut pas avouer. Il va être condamné à mort et on lui demande, le bourreau lui demande de tirer la langue pour qu'on lui coupe la langue. Bien évidemment, il refuse. Et à ce moment-là, ce sont les tenailles qui sont prises et c'est un véritable cri d'égorgement de porc lorsque la langue tombe de son palais, si je puis dire. Et là, il va demander, enfin on lui demande de s'excuser, que son impiété, que ses blasphèmes trouvent enfin réparation, demander pardon à Dieu. Il dit, mais je ne demanderai pas pardon à une chose qui n'existe pas. Vous imaginez avoir ce courage-là. Alors qu'il n'a plus de langue. Non mais bon, je pense que on lui a coupé simplement, il peut encore s'exprimer. On arrive à comprendre, toujours est-il qu'il a ce rugissement-là, et il demande pardon au roi, bien qu'il dise je ne le connais pas, je ne l'ai pas offensé. Et voilà comment termine en martyr Vanini. Théophile de Viau, quelques deux ans plus tard. Alors là, c'est plus aimable, c'est notre Théophile. Oui. Mais Théophile néanmoins, on lui reproche quoi? D'avoir écrit un poème qui serait soi-disant une ode à la sodomie. Eh bien, il est condamné à être brûlé vif. Heureusement, là encore, il a pris la poudre d'escampette et il échappe à la sentence. Mais dites-moi, Marc, il n'y a pas beaucoup de femmes dans tous ces exemples que vous nous citez? Parce que ce sont les hommes qui écrivaient le plus. Mais si on les prend les unes derrière les autres, elles sont bien là. Car il ne peut y avoir de connivence dans cette expression des sens sans ces dames qui, au contraire, ont ce courage justement de s'affranchir des uns et des autres. Tout à l'heure, on parlait du 18e. Tous les salons littéraires, ils sont tenus par qui? Par des dames. Et alors j'adore en particulier, c'est Madame Geoffrin. Elle a son salon où elle accueille les uns et les autres, on se rencontre et après ça se termine dans l'alcôve. Mais toujours est-il qu'un jour, il y a un homme qui lui dit, mais où est ce vieux monsieur très sympathique qui était là souvent debout et qui ne parlait pas? Ah, vous voulez parler de mon mari? Il est mort. Et donc, ces femmes, elles étaient là, c'était elles qui étaient, je dirais, les instigatrices de toutes ces rencontres. Et si on va sous le régent, quelles sont celles qui sont là dans cette prospérité de l'esprit et des sens? Ce sont aussi bien les petites gourgandines qui sont dans les étages du palais royal, mais celles qui le soir se pressent dans les salons et se laissent aller à toutes les étreintes. Et c'est tous les soirs les petits soupers et toutes les audaces inimaginables. Et j'aime de reprendre ce terme de créativité artistique à travers ce que d'autres appellent le vice. On a bien compris, Marc, que vous joigniez constamment l'esprit au sens. C'est peut-être la morale de cette émission. Je rappelle que votre ouvrage « Mes divines débauches » a été publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Dans un instant, nous partons pour l'île d'Aix, pour Rochefort, sur les traces de Coderlo de Laclos. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Effectivement, puisque pour cette nouvelle année 2017, Au cœur de l'histoire va durer une demi-heure de plus. Alors restez avec nous de 15h à 15h30. Franck Ferrand, nous allons nous balader au cœur du patrimoine de Charente-Maritime, de Rochefort-sur-Mer à l'île d'Aix. Alors si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à nous envoyer, ou si vous connaissez bien la région, à nous envoyer vos bons plans, visites, vos souvenirs. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. On a Sylvie qui nous dit Rochefort, j'y ai habité 3 ans, c'est super. La maison de Pierre Loti, la corderie pas on très loin. On va parler de ça, bien sûr. Que d'histoire. Oui, bien sûr. Alors, on va parler de Rochefort. Nous irons justement faire un tour du côté de la maison de Pierre Loti pour savoir où on en est. Mm-hmm. Parce que cette maison est fermée au public depuis 2012 maintenant. J'allais dire, ça commence à durer. Oui, ça fait longtemps. Mais oui, on aimerait la voir rouvrir et nous aurons en ligne quelqu'un qui nous expliquera ce qu'il faudrait faire pour la rouvrir. Et là, ça y est, nous allons pouvoir lancer un premier appel à nos auditeurs et nous mobiliser pour un premier projet. Et puis, bien sûr, on va commencer par l'île d'Aix. Ça tombe bien, je trouve que je connais pas mal l'île d'Aix puisque j'ai passé beaucoup de mes vacances quand j'étais petit. Et il y a beaucoup à voir, malgré la très faible taille de cette île, malgré son côté assez dépeuplé. Il faut bien le dire, il n'y a même pas de voiture, vous savez, sur l'île d'Aix. C'est charmant d'ailleurs. C'est charmant. Et puis il y a bien sûr le musée Napoléon, le musée africain, enfin voir tout ça, même le musée de la Nacre. On va aller s'y promener dans un instant. Donc, vous avez raison, il faut le dire, Anissa, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos conseils. Si vous habitez sur place, alors écoutez, nous sommes tout disponibles. Envoyez-nous aussi vos photos. Bien sûr, simplement. Des photos que vous pouvez partager sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. On a Liliane qui nous dit l'île d'Aix est pleine de charme avec ses petites maisons blanches aux volets bleus et ses roses trémières. Elle parle également du musée Napoléon qu'elle trouve très émouvant. Donc comme Liliane, comme Sylvie, vous êtes très nombreux, n'hésitez pas. La page Facebook Au cœur de l'histoire, là vous pouvez poster vos photos si vous êtes en Charente-Maritime ou si vous aimez y aller souvent. Et puis bien sûr Twitter avec le hashtag ACDH où là aussi vous êtes très nombreux à vous réjouir de la demi-heure de plus. C'est la troisième mi-temps qui va commencer dans un instant au cœur de l'histoire. Voilà, vous êtes nombreux à nous souhaiter à toute l'équipe une belle année 2017 et à vous réjouir de cette demi-heure de plus. Eh bien, bonne année à vous, évidemment. Nous partons dans un instant pour l'île d'Aix avec ses pins maritimes, ses fougères, ses roses trémières, cette espèce de vent marin iodé qui embue tout ce qu'on peut voir sur cette île d'Aix. Et puis, nous en profiterons pour aller faire un tour du côté des fortifications qui ont été érigées dans un premier temps par Vauban et puis transformées par le marquis de Montalembert et par un certain Coderlo de Laclos. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et l'après-midi se poursuit sur Europe 1 avec une belle balade. Nous allons en Charente-Maritime, au cœur de là où l'histoire s'est faite, hein, puisque nous allons à Rochefort-sur-Mer et à l'île d'Aix. Vous allez bien sûr nous parler de Pierre Coderlo de Laclos. Disons les choses, c'est beaucoup ennuyé là-bas quand même. Oui, bah oui. Sinon, il n'aurait pas écrit le chef-d'œuvre que l'on sait. Bon, mais en même temps, cette île d'Aix est une merveille. Ça fait partie de ces petits morceaux de terre qui sont comme ça dans ce coin du Pertuis d'Antioche. L'île d'Aix est coincée, si je puis dire, entre l'île de Ré et l'île d'Oléron. Il y a une autre île très célèbre, enfin c'est une île fortifiée, c'est Fort Boyard, Marc. Fort Boyard, hein. Alors j'ai eu une expérience incroyable, j'ai failli mourir à Fort Boyard. Ah ben voilà, racontez-nous ça. C'était en 1979 et un grand producteur de télévision aujourd'hui disparu, qui s'appelait Jacques Antoine, mais oui, qui avait toujours des idées complètement folles. Quel fun. Créateur du jeu. Et oui, le créateur du jeu, il voulait mettre en scène la chasse au trésor. C'est ça. Voilà. Et c'était c'était la chasse au trésor. Et il avait choisi deux animateurs, Philippe Gildas en studio et moi sur place. Et vous avez été remplacé par Philippe de Dieu le Veut. Oui, oui, mais donc on a réalisé la première maquette. Et je ne savais même pas que je l'ai retrouvé sur Fort Boyard. Et nous sommes à La Rochelle, il fait un temps épouvantable. Le producteur sur place dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Les conditions sont limites. Oui, dit le pilote, mais néanmoins derrière, ça coûte très cher puisqu'il n'y avait pas de financier. C'était Jacques-Antoine qui, sur sa cassette, misait sur ce programme. Et on nous demande d'essayer de partir néanmoins. Et nous voilà partis. Alors, il y a les énigmes qui se résolvent en studio. À l'époque, il n'y avait qu'un seul point de chute. Et ce point de chute, si je puis dire, qui allait être au sens littéral, celui que l'on nomme le Fort Boyard. Oui. Et on se rapproche de ce c'est lieu que je découvre. Hein. Voilà, voilà. L'hélicoptère s'approche, ça s'ouvre dans tous les sens, il y a des écarts. Je me mets sur le patin, le pilote se met légèrement de travers, et là, il y a une bourrasque terrible. Et moi, je saute et je me retrouve miraculeusement sur le haut du fort, sans tomber. Parce que sinon, c'était la mort assurée, là, à cet endroit, avec des vagues qui frappaient contre l'édifice. Et je suis resté là, il a fallu qu'on vienne me chercher par bateau. J'ai découvert le Fort Boyard qui était à l'abandon depuis sa création, avec des parties qui s'effondraient, mais qui néanmoins avaient encore une structure extrêmement solide. Il n'avait jamais servi, puisqu'au départ, il devait être le fort qui empêche les bateaux d'approcher, mais et comme ceux-ci, après, avaient une autonomie suffisante, les canons ne tiraient pas assez loin pour protéger l'envahissement de la baie par les ennemis. Alors, ça c'est Fort Boyard. Quand on arrive à l'île d'Aix, il faut forcément prendre un bateau. Hein. Soit vous partez avec les croisières interrilles, là vous partez du le vieux port de La Rochelle, c'est entre les fameuses tours du port de La Rochelle, où vous partez plus simplement de Foura, de la pointe de la Fumée. La traversée dure, je sais pas, entre 20 minutes et une demi-heure, à peu près, selon la mer, bien sûr. Et vous arrivez dans cette île où il n'y a quasiment pas de voiture. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même un petit bac qui, de temps en temps, amène une voiture. Mais enfin, il y a quasiment pas de voiture de tourisme, bien entendu. Uniquement quelques résidents et quelques utilitaires, voilà, devrais-je dire. Et puis, soit vous décidez de faire le tour de l'île, parce que c'est pas grand, hein, l'île d'Aix, ça fait 3 km de long sur 700 mètres de large, donc soit vous faites la promenade à pied, bien entendu, soit vous prenez un vélo. Bah oui, il y a des loueurs de vélos, là, juste à l'entrée, vous franchissez le pont-levis, et vous avez cette promenade qui part soit par le sommet des remparts du fort de la Rade, avec une vue absolument à couper le souffle, là, on peut dire, ou bien vous prenez une des deux grandes voies, hein, au centre même de l'île, tout ça est bordé de pins magnifiques, vous avez des dunes, on voit la mer partout pour peu qu'il fasse un peu beau. Vous avez le bleu extraordinaire de l'océan à travers les ombrages de tous ces pins. Ça donne des idées de vacances. Ça, ouais, vraiment. Ouais, là, vous nous donnez envie. Hein. Alors, quand vous dépassez le bourg, vous pouvez longer la plage aux coquillages. Vous allez jusqu'au bois, jusqu'au fort Liédo. Je vous ai parlé des fortifications qui ont été lancées par Vauban à l'époque où déjà on voulait protéger La Rochelle et Rochefort des Anglais, mais bien entendu reprise par la suite du temps de Montalembert. Les fortifications en question, elles seront reprises une troisième fois sous l'Empire. Dès 1801, Napoléon s'intéresse de près à ces fortifications de l'île d'Aix et en 1806, il ordonne de mettre l'île carrément en état de défense. Vous voyez qu'on est en pleine guerre maritime là contre l'Angleterre, bien sûr, c'est l'époque du blocus. Il veut cantonner là une garnison de 4000 hommes et lui-même va se rendre sur place 2 ans plus tard, en août 1808, pour surveiller les travaux. Et c'est à ce moment-là qu'il va pour la première fois résider sur l'île, très peu de temps. Il entame les travaux de construction de ce qu'on appellera la maison du gouverneur, sans se douter évidemment que beaucoup plus tard, au lendemain de la bataille de Waterloo, eh bien, il reviendra sur place. Napoléon va s'installer sur l'île d'Aix avant son départ définitif pour l'île de Sainte-Hélène. Vous savez, à l'époque où il pense encore soit partir pour les États-Unis, soit demander refuge, demander asile à son ennemi anglais. Il va vivre donc dans la maison du gouverneur les 12, 13, 14 et 15 juillet 1815. Ici, peut-on lire sur une stèle à Foura, ici, le 8 juillet 1815, Napoléon Ier a quitté le continent pour l'exil. L'empereur a été porté jusqu'à la baleinière par le marin Beau, natif de Foura, dont du baron Gourgaud, arrière-petit-fils du général Gourgaud. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est la famille Gourgaud qui va devenir en quelque sorte le mécène local. Et si la maison du gouverneur, aujourd'hui, est devenue un très beau musée, hein, 10 salles napoléoniennes, c'est parce que s'y trouve exposé les collections des barons Gourgaud. On voit un certain nombre d'œuvres comme la proclamation de la République cisalpine de Lafitte, l'entrée des troupes françaises à Rome de Baghetti, etc., etc. Et dans la chambre de Napoléon, vous avez le brouillon de la lettre qu'il a écrite pour se rendre aux autorités anglaises. En fait, c'est le fac-similé qui est exposé là, mais ce qui est étonnant, c'est que ce musée est relativement petit, hein, c'est une grosse maison bourgeoise, sommée d'ailleurs à son fronton d'un aigle de pierre qui date du Second Empire. Toujours œuvre des Gourgaud, mais bizarrement, malgré la modestie des lieux, vous avez une forte imprégnation napoléonienne. C'est-à-dire que vous avez l'impression, bien qu'il n'ait passé là que trois jours, mais alors quelle journée, hein, peut-être les journées les plus décisives de la fin de sa carrière, vous avez l'impression que Napoléon est encore là, d'une certaine manière. Alors, si vous traversez la petite rue centrale, là, juste en face de la maison du gouverneur, en face du musée Napoléon, si vous préférez, vous trouverez le musée africain avec les collections de chasse africaine du baron Gourgaud, avec toutes sortes de collections, et puis un hommage à l'enfant du pays qui est allé découvrir Tombouctou, René Caillé. C'est pas un petit, hein, pas un petit aventurier, ah oui, ça marque. Belle histoire, René Caillé. Faudrait peut-être qu'un jour on fasse une émission sur René Caillé. Ben voilà, rendez-vous est pris. Hein, voyez, oui. C'est vrai que le personnage est étonnant parce qu'il a d'abord dans ses cahiers d'écolier rêvé à l'aventure africaine, et puis finalement il est parti et seul, alors qu'on ne savait même pas à l'époque si Tombouctou n'était pas tout simplement une cité légendaire, il l'a découverte, il s'y est installé, il y a vécu et il en est revenu pour le raconter. Tout ça est assez extraordinaire. Quoi vous dire encore sur l'île d'Aix? Ben, on y reviendra de toute façon tout à l'heure, je vous donnerai quelques adresses. Sachez qu'il y a une maison de la nacre qui comporte un atelier, une boutique, un petit musée dans lequel on découvre ce qu'est précisément la nacre, comment elle est utilisée, comment elle est travaillée. Ça fait maintenant, je sais pas, ça fait 70 ans que, ou en tout cas 60 ans que sur l'île d'Aix, une entreprise familiale, la famille Gallet, exerce ce métier de nacrier. La nacre, en quelque sorte, est la spécialité de l'île d'Aix. Oui, Marc? On aurait pu avoir un fac-similé d'une lettre écrite par Napoléon au roi Christophe, qui était celui qui régnait à ce moment-là sur Haïti. Napoléon, qui avait fait en sorte que Toussaint Louverture termine au fort de Joux, en prison, humilié, avait oublié les comportements qui avaient été siens, et cet héritier de Christophe, héritier entre guillemets, il ose lui écrire pour lui demander l'hospitalité et éviter de tomber aux mains des Anglais. Ouais, finalement, ça ne marchera pas tout non, ça. Christophe ne répondra même pas. Et le roi, c'est la revanche. Et le roi d'Angleterre ne donnera pas suite non plus, puisqu'on connaît la fin, ce sera l'île de Sainte-Hélène. Ça nous entraînerait vraiment très, très, très loin. On reste à l'île d'Aix, ou plus exactement, si vous voulez bien, on va refaire la traversée jusqu'au continent. Nous allons aller visiter l'une des villes les plus extraordinaire de France, je n'ai pas peur de le dire, avec de véritables hauts lieux du tourisme et du patrimoine, c'est Rochefort-sur-Mer dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h30, nous sommes au cœur du patrimoine. Il va falloir prendre l'habitude de ces horaires maintenant. Et puis notez qu'à 15h30, juste après cette balade, eh bien c'est toute l'équipe de la Cour des Grands, hein, qui va vous accompagner dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. 15h30, 17h, la Cour des Grands, autour d'Alessandra Sublet sur Europe 1. Voilà une après-midi qui s'annonce festive. Merci à tous parce que vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Merci à Céline qui vient de poster une très belle photo de plage. Elle nous dit que la Charente-Maritime est le plus beau département de France, avec cette magnifique photo ensoleillée d'une plage, on a envie d'y être. Hein. Merci Céline, si vous voulez faire pareil, si vous voulez nous parler de votre Charente-Maritime, n'hésitez pas, Twitter avec le hashtag ACDH et la page Facebook au cœur de l'histoire. Et vous parlez de cette ville de Rochefort tellement extraordinaire, alors il y aurait toute une émission à faire sur les circonstances de la création des chantiers navals de Rochefort, parce que un certain nombre de terres appartenaient à la famille de Colbert, et notamment à Colbert de Seignelay, et donc on a voulu installer ici aussi un gros arsenal, un chantier naval très important d'État. À l'époque où Louis XIV est en train de vouloir relancer la marine française, il y a un bagne à proximité, bien entendu, pour fournir la main d'œuvre. Hein. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les lieux même, le site même de Rochefort, avec l'ensablement progressif de la passe, font que on ne pourra pas vraiment se servir de ces lieux. C'est assez étonnant. Rochefort n'en restera pas moins jusqu'au tournant du XXe siècle un port et un port militaire absolument majeur, bien sûr. C'est de Rochefort que part, après tout, la frégate La Méduse, vous savez, celle qui va faire la mauvaise fortune que l'on sait. Alors, qui dit grand arsenal dit corderie. Il y a cette extraordinaire corderie royale, hein, ces bâtiments gigantesques, tout en longueur, pour être aussi long que le filin que l'on était en train de tresser. C'est extraordinaire. Le jardin d'acclimatation, parce que quand tous ces navires revenaient du bout du monde, ils arrivaient avec des espèces d'arbres et de plantes qu'il fallait acclimater en terre française. Le pont transbordeur également, pour passer l'embouchure de la Charente. C'est assez spectaculaire à voir. Et puis, le chef-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est la maison de Pierre Loti. C'est un peu c'est l'habitant fantôme des lieux, Pierre Loti, on peut dire. Alors, moi, je trouve qu'il est dommage que cet auteur, alors, on le classe pas parmi les plus grands, et pourtant, il y a chez lui, d'abord, il a toujours des romans qui nous permettent de voyager, car il a été l'homme du voyage, et en particulier le roman d'un spahi. Et être en côtoiement de Loti, c'est se trouver dans la peau de ceux qui étaient les grands voyageurs, avec un certain respect de l'autochtone du pays où ils allaient habiter. Et ça, c'est très important, car à travers Loti, il y a une sorte de décence de celui qui vient s'installer chez l'autre avec un certain respect. Et sa plume est une très très belle plume, je trouve. Alors oui, vraiment, tout à fait. C'est un magicien des mots, Pierre Loti, à un moment, à cette époque symboliste où l'on n'avait pas peur du style. Hein, c'est quelque chose d'étonnant. Alors il avait acheté, d'abord il y a sa maison de famille, hein, bien sûr, et puis il avait acheté deux autres maisons mitoyennes à la fin du 19e siècle, en 1895 et 1897. Alors, il y a des jardins que le grand écrivain va peupler, et grand voyageur va peupler de toute une flore de chats, de tortues, etc. Et puis, il aménage petit à petit dans la maison et dans les maisons avoisinantes, hein, dans tout cet îlot Pierre Loti, si je puis dire. Il aménage d'abord une première pièce orientale, ce qu'on appelle le salon turc, en 1877, une salle gothique tout à fait extraordinaire, comme on pouvait les aimer dans cette époque d'historicisme à la fin du 19e, hein, il l'a fait décorer cette salle gothique en 1887. Il y avait aussi une pagode japonaise, enfin, etc. Une salle chinoise en 1902. Il faut vous dire que Pierre Loti organise de grandes fêtes, et notamment la fameuse fête chinoise qui a marqué les esprits de toute sa génération. C'est extraordinaire. Bref, cette maison qui se cache derrière les façades extrêmement sages d'une rue bourgeoise de Rochefort est un véritable enchantement. Hélas, cette maison est fermée au public depuis 2012 pour des travaux de restauration, des travaux vraiment très importants. Pourquoi est-ce que ces travaux s'éternisent? J'aimerais bien le savoir, et il se trouve que nous avons en ligne le conservateur des musées municipaux de Rochefort, Claude Stéphanie. Bonjour Claude Stéphanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est moi qui vous remercie. Essayez de nous rassurer, elle va rouvrir un jour cette maison de Pierre Loti. Elle va rouvrir absolument, je suis le premier à le souhaiter, les Rochefortais et les admirateurs de Pierre Loti. Vous évoquiez l'écrivain qui peut-être a été un peu oublié à une époque, mais je pense que c'est un très très grand écrivain. Un écrivain exotique aussi, un écrivain bien sûr qui a laissé des autobiographies, je pense au roman d'un enfant qui sont des choses à lire peu connues mais merveilleuses, et qui a laissé en effet cette maison qui est une espèce de maison rêve comme les parcs du 18e avec des fabriques, et là il a entassé des décors extraordinaires. Alors moi je suis allé souvent à la maison de Pierre Loti, pour tout vous dire. Quand on l'a visitée, on n'avait pas l'impression qu'elle fût en si mauvais état que ça. Qu'est-ce qui lui arrive à cette maison? Oui, quand même, elle était en mauvais état. Les premiers cris d'alarme avaient été poussés par les monuments historiques dès la fin du siècle dernier, si je puis dire. Et progressivement, en fait, elle a été victime de son succès. Et le nombre de visiteurs et voilà. A abîmé progressivement ces décors qui étaient en fait des décors de théâtre, n'est-ce pas? Pierre Loti s'est mis en scène dans cette maison. Vous évoquiez les fêtes qu'il y bien donnait, sûr, oui. Des fêtes arabes. Fêtes médiévales, fêtes chinoises, et tout ça, bien chinoises, sûr. Chinoises, oui. Absolument. C'est un homme qui avait un égo surdimensionné, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que quand bien même il y avait des fêtes, c'était des choses qui étaient, je dirais, relativement peu fréquentes. La maison était un décor qu'il avait créé pour lui, pour figer les moments de son existence et les moments qu'il avait vécu lors de ses voyages, comme la mosquée, le salon turc que vous évoquiez, la pagode japonaise, la salle chinoise, la chambre arabe, enfin bon, il y avait même une chambre océanienne. Tout ça était... C'était une maison où il se rappelait, c'était un... Une maison pour voyager, pour effectuer un voyage immobile. Absolument. D'une certaine manière. C'est ce qu'il y a de merveilleux. Il a, après être allé glaner dans le monde entier des scènes merveilleuses pour ses ouvrages et des souvenirs, il a ensuite ramené le monde à lui, en quelque sorte, dans cette maison. Alors, Claude Stéphanie, dites-nous ce que l'on peut faire pour vous aider dans les énormes travaux qui sont en cours dans cette maison de Pierre Loti à Rochefort. Est-ce que nos auditeurs peuvent mettre la main à la pâte, si je puis dire? Écoutez, pourquoi pas, oui, la proposition, je ne la refuserai pas. Bien évidemment, c'est un chantier qui a commencé presque immédiatement après la fermeture de la maison en 2012, mais le temps des musées est quelquefois un peu long. Un peu long, oui, bien sûr. L'argent, n'est-ce pas, n'est pas si facile à trouver. Et c'est vrai qu'il y a eu une première série de restaurations qui apportait sur les textiles du salon turc, oui, et de la chambre arabe, et puis surtout aussi sur la maison elle-même, qui présentait des défaillances. Et donc, il y a eu des travaux d'urgence. Donc, la maison est confortée aujourd'hui. La toiture a été remplacée par une toiture en tôle. Mais évidemment, il reste d'énormes travaux sur le bâti lui-même et sur toutes. Sur les décors aussi. Sur les décors, absolument. Vous parliez des textiles et des papiers peints. Si parmi nos auditeurs, et je sais que c'est le cas en plus, parce qu'il m'est arrivé d'en rencontrer déjà de nos auditeurs qui travaillent dans la restauration de papiers peints, dans tout ce domaine-là, s'il y a de bonnes volontés, elles sont bienvenues à Rochefort, j'imagine. Hein, elles sont bienvenues à Rochefort, bien évidemment. Nous avons entrepris une première tractation avec ce qu'on appelle la Fondation du patrimoine, pour obtenir des fonds pour restaurer une partie des collections, en l'occurrence les collections d'armes orientales, dont vous devez vous rappeler, qui est tout à fait exceptionnel, et ce qu'on appelle, d'un mot un peu barbare, le mobilier métallique, c'est-à-dire tous ces chandeliers, ces candélabres qui décoraient la mosquée. Et évidemment, par ce biais, on espère collecter des fonds parce qu'il y a énormément de choses à restaurer. C'est un, je le répète une fois de plus, c'est un décor. Loti était sans doute un très bon écrivain, mais il n'était un très bon décorateur, mais absolument pas un bon architecte. Et voilà, et ces décors, en fait, c'était des décors qui devaient disparaître après sa mort, en fait. Juste peu de temps avant de mourir, il a promené, si je puis dire, son fils Samuel dans la maison, son fils unique, et il lui a dit « ça tu gardes, ça tu détruis, ça tu gardes ». Et en fait, à la lecture de ce document, on se rend compte que tout pouvait disparaître après sa mort. Oui. Voilà. Il est mort en 23, son fils Samuel a dispersé certains ensembles comme la pagode japonaise et la salle chinoise, qui n'existe plus malheureusement, mais en revanche, il a conservé quand même aussi pieusement qu'il a pu les grands décors orientalisants, les grands décors historicistes que sont la salle gothique et l'extraordinaire salle renaissance, mais évidemment, tout cela est très fatigué, et donc tout doit être restauré, et comme c'est une maison d'écrivain, tout est précieux. C'est-à-dire que, en plus, la particularité, c'est qu'on a conservé, si vous voulez, dans cette maison, la quasi-totalité des objets du quotidien de Loti. Formidable. Non, mais ça, il faut que tout ça rouvre et soit de nouveau à la disposition du public. Alors, j'en appelle à nos auditeurs. Si vous aimez Pierre Loti, si vous aimez l'orientalisme et l'exotisme, si vous avez la nostalgie de cette maison de Pierre Loti à Rochefort, n'hésitez pas. Vous pouvez vous adresser, à Claude Stéphanie, soit via le site internet maisondepierreloti@ville-rochefort.fr, en un seul mot, hein, maisondepierreloti@ville-rochefort.fr, ou bien appeler au 05 46, ça on voit qu'on est en Charente-Maritime, 05 46 82 91 70, je répète, 05 46 82 91 70, et notamment si vous avez des plans, si je puis dire, en matière de papier peint, de restauration de textiles, etc., vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, Claude Stéphanie. Bon courage et prévenez-nous dès que tout ça rouvre. Absolument. À très bientôt. Merci très beaucoup. Bientôt. Au revoir, monsieur. Cendre de lune, petite pluie de lécume, poussée par le vent, je brûle et je m'enrhume. Entre mes dunes, extrait de Libertine de Mylène Farmer sur Europe 1. Libertine nous accompagne. Bah voilà, c'est ça. Effectivement, vous nous racontez l'histoire de Pierre Coderlo de la Close qui nous a emmené en Charente-Maritime. D'ailleurs, nous avons de nombreux messages. Vous êtes très nombreux à participer à cette toute première d'Au cœur du patrimoine. On a Étienne qui nous écrit sur Europe 1.fr. Alors, je vous lis le message, Franck. J'ai passé toutes mes vacances de jeunesse à Rochefort-sur-Mer et petit garçon, j'adorais qu'on me raconte l'histoire de la corderie royale à Rochefort. C'est vrai que cette corderie royale est un endroit absolument extraordinaire. Vous savez, on fabriquait les cordages de navires, bien entendu, et tout l'accastillage d'ailleurs. Et donc, il fallait un bâtiment qui fût suffisamment long pour accueillir d'un seul tenant les fameux cordages. D'où cette construction tout en longueur, comme ça, extrêmement impressionnante. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Puisqu'on parle de la corderie, juste à côté, vous avez le chantier de l'Hermione, bien entendu. Alors, ça y est, l'Hermione est à flot, a effectué sa fameuse traversée de l'Atlantique, etc. C'est la réplique de la frégate mise en chantier à Rochefort en 1779 et sur laquelle Lafayette est reparti, vous savez, pour les États-Unis en 1780. Eh bien, ça y est, en août 2015, on a lancé l'Hermione. Ça n'empêche pas de visiter tout ce chantier. C'est extrêmement passionnant. Je crois que d'autres projets, d'ailleurs, sont en cours sur le site de l'Hermione. Et puis, je vous disais tout à l'heure un mot du pont transbordeur, le pont transbordeur du Martrou, qui a presque 117 ans, puisqu'il a été achevé en 1900. Il enjambe donc l'estuaire de la Charente, entre Échillais et Rochefort, et il constitue, on peut le dire, un des plus grands ouvrages d'art de métal en France. C'est l'ingénieur Ferdinand Arnaudin qui a bâti ce pont extraordinaire. Vous savez qu'il n'y a plus que 8 ponts transbordeurs dans le monde. Celui de Rochefort est d'ailleurs le dernier de France. Il est constitué de 2 pylônes métalliques qui supportent un tablier sur lequel glisse ce qu'on appelle le chariot, hein, grâce à un système de rails. Une nacelle est suspendue qui permet de relier donc les deux rives sans gêner la circulation maritime. On relève le pont transbordeur pour laisser passer les gros bateaux, tout simplement. Tout ça est spectaculaire, et puis ça fait rêver. Il y a, vous savez, attaché à cette ville de Rochefort, l'esprit du voyage, du départ et de l'aventure. Ça fait partie de ces ports qui faisaient rêver Rochefort. C'était ces endroits où vous passiez du temps avant d'embarquer véritablement et avant de vous colter à la grande, au grand inconnu, en quelque sorte. Eh bien, on a un peu l'impression comme ça d'une cité accrochée au bord extrême du monde occidental, et il reste à Rochefort cette atmosphère. Et puis, n'oubliez pas que c'est une ville neuve, hein, ce qu'on appelait autrefois une ville neuve, c'est-à-dire une ville du XVIIe siècle, avec ses artères, ses voies à angle droit, bien entendu. C'est-à-dire que tout ça a été tracé à la règle sur un plan. C'est assez étrange, lorsqu'on se promène dans cette ville de pierre blanche et blonde, de voir tout rectiligne comme ça et tout orthogonal. Bref, on pourrait parler longtemps de Rochefort, mais je crois qu'il est grand temps de passer l'antenne. Et de passer l'antenne à Alessandra Sublet. Bonjour, chère Alessandra.